بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله دي 19e assise La conquête de Mecca, qu'Allah l'honore. Louange à Allah qui a créé toutes choses et en a fixé la destinée, qui connaît la provenance de chaque créature et sa destination. Il a consigné dans la mer du livre, la table gardée, Allah al-Mahfoud, ce qu'il a voulu et décrété. Nul ne peut retarder ce qu'il a avancé, ni avancer ce qu'il a retardé. Nul ne peut secourir celui qu'il a délaissé, ni délaisser celui qu'il a secouru. Il est l'unique détenteur de la royauté et de la pérennité, de la puissance et de la grandeur. Quiconque lui dispute cela, il l'humilie. Il est l'unique, le seul, le Seigneur qui se suffit à lui-même. As-Samad. Il n'a point d'associé dans ce qu'il a innové et façonné. Il est le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Comme il gère parfaitement les affaires de ses créatures et comme il est clairvoyant. Il est l'omniscient, l'informé. Rien de ce que les serviteurs cachent ou dissimulent ne lui échappe. Je le loue pour les bienfaits qu'il a octroyés et facilités. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans associé. Il a accepté le repentir du désobéissant, a effacé son péché et lui a pardonné. J'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, par qui il a éclairé et illuminé le chemin de la guidée. Par lui, il a dissipé les ténèbres du polythéisme et sa noirceur. Il a accordé la conquête de Mecca, lui permettant ainsi de retirer les idoles de la maison sacrée et de la purifier. Qu'Allah le vante et le préserve, ainsi que sa famille et ses nobles et vertueux compagnons, ainsi que ceux qui les suivent avec excellence, tant que la lune atteindra sa pleine lumière et sa disparition. Mes frères, de même que ce mois béni fut témoin de la bataille de Badr, où l'islam triompha et où son flambeau s'éleva, il fut également le théâtre de la conquête de Mecca, la cité sûre, en l'an 8 de la Hijra. Par cette conquête grandiose, Allah l'a sauvée du polythéisme pécheur, et elle devint une terre d'islam où l'unicité remplaça le polythéisme, la foi supplanta la mécréance et la soumission, l'islam, l'emporta sur l'arrogance. L'adoration de l'unique, le dominateur suprême, Al-Qahar, y fut proclamée, et les idoles de l'association y furent brisées sans qu'elles ne puissent plus jamais être restaurées. La cause de cette immense conquête fut la suivante. Lorsque le pacte de réconciliation fut conclu à Al-Hudaybiyah, en l'an 6, entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Quraysh, il fut stipulé que quiconque souhaitait entrer dans l'alliance du prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait le faire, et que quiconque souhaitait entrer dans l'alliance de Quraysh pouvait le faire. Ainsi la tribu de Khuza'a entra dans l'alliance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tandis que Banu Bakr entrèrent dans celle de Quraysh. Or, il existait entre ces deux tribus des contentieux sanglants datant de la période pré-islamique. Les Banu Bakr profitèrent alors de cette trêve pour lancer un raid contre Khuza'a, alors qu'ils se croyaient en sécurité. Quraysh aida secrètement ses alliés, Banu Bakr, en leur fournissant des hommes et des armes contre Khuza'a, allié du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un groupe de ces derniers se rendit alors auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer des agissements de Banu Bakr et du soutien que Quraysh leur avait apporté. Quant aux Quraysh, ils furent pris de remords et de craintes, réalisant qu'ils avaient rompu leur pacte par cet acte. Ils envoyèrent alors leur chef Abu Sufyan auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam afin de raffermir le contrat et d'en prolonger la durée. Il parla de cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais celui-ci ne lui rendit aucune réponse. Il sollicita ensuite Abu Bakr et Omar pour qu'ils intercèdent en sa faveur auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne réussit point. Enfin, il s'adressa à Ali ibn Abi Talib, mais ne connut pas plus de succès. Il lui dit alors, « Que me conseilles-tu, Abul Hassan ?»« Je ne vois rien qui puisse te servir, » répondit Ali. « Cependant, tu es le chef de Banu Kinana. Lève-toi donc et proclame un pacte de protection entre les gens. » Abu Sufyan dit, « Penses-tu que cela me sera d'une quelconque utilité ?»« Non, par Allah, je ne le pense pas, » dit Ali. Mais je ne trouve rien d'autre pour toi. » Abu Sufyan s'exécuta puis retourna à Mecca. Les Quraysh lui demandèrent « Quelle nouvelle apportes-tu ? Je suis allé voir Mohammed et je lui ai parlé, mais par Allah il ne m'a pas répondu. Je suis allé ensuite voir le fils d'Abu Quhafa, c'est-à-dire Abu Bakr, et le fils d'Al-Khattab, Omar, mais je n'ai rien obtenu de bon. Enfin je suis allé voir Ali qui m'a suggéré une chose que j'ai faite, j'ai proclamé un pacte de protection entre les gens. « Mohammed a-t-il ratifié ça » demandèrent-ils. « Non, » répondit-il. Ils s'écrièrent alors « Malheur à toi, cet homme, c'est-à-dire Ali, s'est joué de toi. » Quant au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ordonna à ses compagnons de se préparer au combat. Il les informa de son intention et mobilisa les tribus des alentours en disant « Allahumma khudil akhbar wal uyun an Quraysh hatta nabrataha fi biladiha. » « Oh Allah, dérobe les informations et les espions en Quraysh afin que nous les surprenions dans leur terre. » Il quitta ensuite Al-Medina à la tête d'environ 10 000 combattants après avoir confié la charge de la ville à Abdullah ibn Maktoum, l'aveugle. Alors qu'il était en chemin, il rencontra Al-Jurfa, son oncle Al-Abbas, qui venait à sa rencontre avec sa famille, ayant embrassé l'islam et accompli la hijra. Puis en un lieu nommé à Labwa, il rencontra son cousin Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdil Muttalib, ainsi que le fils de sa tante, Abdullah ibn Abi Umayya. Tous deux figuraient parmi ses ennemis les plus acharnés, mais ils embrassèrent l'islam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta leur conversion. Il dit d'ailleurs à propos d'Abu Sufyan, « Arju an yakuna khalafan min Hamza », j'espère qu'il sera un successeur à Hamza, qui avait été tué en martyr lors de la bataille de Uhud. Radiallahu an. Asadullah wa asadu rasuli, le lion d'Allah et le lion de son messager, dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani. Le Cheikh dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam atteignit un lieu nommé Marr al-Dahran, à proximité de Mecca, il ordonna à l'armée d'allumer 10 000 feux. Il plaça Omar ibn Khattab, radiallahu an, à la tête de la garde. Al-Abbas monta alors la mule du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la recherche de quelqu'un pour avertir Quraysh, afin qu'il sorte à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander la manne, la protection, et ainsi éviter que le combat n'éclate à Mecca, la cité sûre. Le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam monte une mule montre sa grande humilité, et le fait qu'il n'est qu'un serviteur, serviteur d'Allah, car jamais les rois ne montaient une mule. Tandis qu'il avançait, il entendit la voix d'Abu Sufyan ibn Harb dire à Boudayl ibn Warqa, « Je n'ai jamais vu de feu comme ceux de cette nuit. » Boudayl répondit, « Ce sont les Khouza'a. » Abu Sufyan répliqua, « Les Khouza'a sont moins nombreux et plus humbles que ça. » Al-Abbas reconnut alors la voix d'Abu Sufyan et l'appela. Celui-ci répondit, « Qui a-t-il à Balfadl ?» Il dit, « Voici le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les gens. » Abu Sufyan demanda, « Quel est alors le recours ?» Al-Abbas répondit, « Monte que je t'emmène auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour que je demande la protection pour toi. » Il l'amena devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui dit, « Waihak ya Abu Sufyan, ama ana laka an ta'lama an la ilaha illallah, malheur à toi, Abu Sufyan, n'est-il pas temps pour toi de savoir qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah ?» Il répondit, « Je donnerai mon père et ma mère en rançon pour toi. Comme tu es indulgent, généreux et prompt à maintenir les liens de parenté, j'ai certes compris que s'il y avait une autre divinité avec Allah, elle m'aurait été d'une quelconque utilité. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprit, « Ama ana laka an ta'lama anni rasulullah, n'est-il pas temps pour toi de savoir que je suis le messager d'Allah ?» Abu Sufyan hésita un instant. Alors Al-Abbas lui dit, « Malheur à toi, convertis-toi. » Il embrassa alors l'islam et prononça le témoignage de vérité. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à Al-Abbas de poster Abu Sufyan à l'endroit le plus étroit de la vallée, au pied de la montagne, afin que les musulmans défilent devant lui. Les tribus passèrent ainsi avec leurs bannières. Chaque fois qu'une tribu passait, Abu Sufyan interrogeait Al-Abbas à son sujet, et celui-ci l'informait. Abu Sufyan disait alors, « Qu'ai-je à faire avec eux ?» Jusqu'à ce qu'arrive un régiment dont on n'avait jamais vu de pareil. Il demanda, « Qui sont ceux-là » Al-Abbas répondit, « Ce sont les Ansar, menés par Sa'd ibn Ubada, qui portent la bannière. » Lorsque Sa'd arriva à sa hauteur, il s'écria, « Abu Sufyan, aujourd'hui est le jour du grand carnage. Aujourd'hui, la Kaaba sera profanée. » Vint ensuite un régiment, le moins nombreux mais le plus illustre. S'y trouvait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, et sa bannière était portée par Az-Zubayr ibn al-Awwam. Lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, passa devant Abu Sufyan, ce dernier l'informa de ce qu'avait dit Sa'd. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, « Kadaba Sa'd, lakin hada yawmun yu'addimullahu fihi al-Ka'bata wa yawmun tuksa fihi al-Ka'ba. » Sa'd s'est trompé. Au contraire, c'est un jour où Allah glorifiera la Kaaba et un jour où la Kaaba sera habillée. Rapporté par Al-Bukhari à partir du passage, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à Al-Abbas sa parole au sujet de la Kaaba qui est habillée, car ils avaient l'habitude de la revêtir en un jour semblable. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas venu pour l'occuper ou pour se venger de ses habitants, mais son unique but était de faire triompher la religion d'Allah et d'honorer ses habitants par l'islam. Le Cheikh dit ensuite, puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonna que la bannière soit retirée à Sa'd pour être remise à son fils Qais. Il considéra ainsi qu'elle n'était pas tout à fait sortie de la famille de Sa'd puisqu'elle revenait à son fils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuivit sa route et ordonna que sa bannière soit plantée à Al-Hajoun. Il entra ensuite à Mecca en conquérant, soutenu et victorieux, la tête baissée par humilité envers Allah, au point que son front touchait presque son bas, tout en récitant « Inna fatahna laka fatham mubina » En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Il répétait ce verset d'une voix mélodieuse. Ça, ce sont les attributs des prophètes et des messagers. L'humilité pour Allah Azza wa Jal. Quant aux kuffars, ils ont l'habitude de rentrer avec orgueil et ostentation. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaça Khalid ibn al-Walid sur l'un des flancs de l'armée et Az-Zubayr ibn al-Awwam sur l'autre. Car les armées étaient divisées en plusieurs, en un flanc droit et gauche et le qalb, la partie centrale, avec un amir, un dirigeant à chacune des armées. Le Cheikh n'a pas cité, mais Khalid ibn al-Walid s'est converti à l'islam entre Sulh al-Hudaybiyah et Fath Makkah, en allant à Al-Madinah et il s'est converti devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était un nouveau musulman, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a confié cette responsabilité car c'était un guerrier et c'était un grand tacticien. Et il le nommera après ça Saif min Suyufillah, une des épées d'Allah. Donc il est surnommé l'épée d'Allah, radiyallahu anhu. Et avec tous les combats qu'il a fait pour l'islam au cours de sa vie, il est mort paisiblement dans son lit. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara: Man dakhala al-masjida fa huwa amin, wa man dakhala dara Abi Sufyan fa huwa amin. Quiconque entre dans le masjid, c'est-à-dire le masjid al-haram, est en sécurité. Quiconque entre dans la demeure d'Abu Sufyan est en sécurité. Quiconque reste chez lui et ferme sa porte est en sécurité. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se rendit ensuite au masjid al-haram et fit le tawaf autour de la maison et sur sa monture. Il y avait autour de la Kaaba 360 idoles. Il se mit à les taper avec un arc qu'il tenait en disant « Ja al-haq wa zahaq al-batil » Inna al-batil kana zahuqa. Jaa al-haq wa ma yubdi al-batil wa ma yu'id. La vérité est venue et l'erreur a disparu. Certes, l'erreur est vouée à disparaître. La vérité est venue et l'erreur ne peut rien commencer ni rien recommencer. Rapporté par Muslim. Les idoles tombaient alors sur leur face. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra ensuite dans la Kaaba et y trouva des images. Il ordonna qu'elles soient effacées. Puis il y pria et une fois terminé, il fit le tour de l'intérieur en faisant le takbir dans ses recoins et en affirmant son unicité, en faisant du tahlil. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Il se tint ensuite sur le seuil de la Kaaba, tandis que Quraysh l'attendait en bas pour voir ce qu'il ferait. Tenant les deux montants de la porte, il dit « La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah. » وهزم الأحزاب وحده يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعذمها بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah seul et sans associé. À lui la royauté et à lui la louange. Il est capable de toutes choses. Il a tenu sa promesse, secouru son serviteur et mis en déroute les coalisés à lui seul. Ô peuple de Quraysh, Allah a certes banni de vous l'arrogance de l'ère pré-islamique et leur glorification des ancêtres. Les hommes descendent d'Adam et Adam a été créé de terre. Puis il récita « Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi yatqakum inna allaha alimun khabir. » Ô hommes, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Il reprit, ô peuple de Quraysh, que pensez-vous que je vais faire de vous? Du bien, répondirent-ils. Tu es un frère généreux, fils d'un frère généreux. Il dit alors, je vous dis ce que Ya'qub a dit à ses frères. La tathriba alaykum al-yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Pas de réprobation contre vous en ce jour. Qu'Allah vous pardonne, car il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Idhabu fa antum at-tulaqa. Partez car vous êtes libres. At-tulaqa. Le cheikh dit, ce récit, depuis son discours au seuil de la Kaaba, est tiré de Zad al-Ma'ad et d'autres ouvrages de Sirah. Zad al-Ma'ad ibn Qayyim. Le terme at-tulaqa, pluriel de taliq, désigne les membres de Quraysh et leurs partisans à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait grâce le jour de la conquête de Mecca. Al-Imam al-Albani, rahimallah, a affaibli cette parole. Idhabu fa antum at-tulaqa. Partez car vous êtes libre. Le fait qu'il les ait appelés At-Tulaqa, même si l'appellation At-Tulaqa est établie dans le Sahih, lors du hadith de la bataille de Hunayn, Anas ibn Malik cite At-Tulaqa, Umm Sulaym dit également At-Tulaqa. Mais il y a de la faiblesse dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait dit à ce moment-là. Wallahu ta'ala a'lam. Le cheikh dit ensuite, au deuxième jour de la conquête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva pour s'adresser aux gens. Il loua Allah, lui rendit grâce, puis dit, إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب. Certes, c'est Allah qui a sanctifié Mecca, et ce ne sont pas les hommes qui l'ont déclaré sacré. Il n'est donc permis à quiconque croit en Allah et au jour dernier d'y verser du sang ou d'y abattre un arbre. Si quelqu'un invoque comme permission le combat du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dites-lui, Allah l'a permis à son messager mais ne vous l'a pas permis. Elle ne m'a été rendue licite qu'un moment du jour, et sa sacralité est redevenue aujourd'hui ce qu'elle était hier. que celui qui est présent transmette donc à celui qui est absent, rapporté par Al-Bukhari. Ce moment durant lequel elles furont illicites au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'étendit de l'aurore jusqu'à la prière du Asr, le jour de la conquête. Le cheikh dit ensuite, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam séjourna 19 jours à Mecca en raccourcissant ses prières. Il était moussafir, voyageur. Et il ne jeûna pas le reste du mois. Car on rappelle, il était en Ramadan. Rapporté par Al-Bukhari en plusieurs passages. Car il n'avait pas l'intention d'interrompre son voyage. Il y demeura ainsi pour consolider l'unicité, les piliers de l'islam, affermir la foi et recevoir le serment d'allégeance des gens. Car tous les Arabes, qui n'étaient pas rentrés dans l'islam, attendaient de voir ce qui se passe avec Mecca. Donc lorsque Mecca est rentré dans l'islam, le reste des Arabes a suivi. Et donc il enseignait la foi, lui et ses compagnons, aux nouveaux convertis à l'islam. Il est rapporté dans le Sahih d'après Mujashir qui dit « Je suis venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec mon frère après la conquête pour qu'il lui prête serment d'allégeance pour la hijra. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Dhahaba ahlul hijrati bima fiha walakin ubayi'uhu ala l'islami wal imani wal jihad. » Les gens de l'immigration ont déjà emporté le mérite qui lui est lié, mais je reçois son serment d'allégeance pour l'islam, la foi et le jihad. La hijra de Mecca prit fin avec la conquête de Mecca, qui devint une terre d'islam, et donc il n'y avait plus à émigrer d'elle. Mais la hijra reste jusqu'au jour du jugement, des terres de mécréance jusqu'aux terres d'islam. Le cheikh dit, c'est par cette victoire éclatante que le secours d'Allah fut parachevé, et que les gens entrèrent en masse dans la religion d'Allah. La cité d'Allah redevint une terre d'islam où furent proclamées l'unicité d'Allah, la véracité de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et la souveraineté de son livre. La prééminence y revint aux musulmans, tandis que le polythéisme fut mis en déroute et ses ténèbres dissipées. Allah est le plus grand et à Allah appartient la louange. Ceci est une grâce d'Allah envers ses serviteurs jusqu'au jour de la résurrection. Ô Allah, accorde-nous la reconnaissance pour ce bienfait immense. Accorde la victoire à la communauté islamique en tout temps et en tout lieu. Pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans par ta miséricorde, ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Et qu'Allah vante et préserve notre prophète Mohammed, sa famille et tous ses compagnons. Alhamdulillah.